Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 11e. Alliance franco-indienne, 1603-1608. Champlain part avec les sauvages alliés pour le pays des Iroquois. L'Alliance franco-indienne. Historique des guerres entre les Iroquois et les autres nations sauvages. Promesse de Champlain aux sauvages à son voyage de 1603. Pacte conclu dans un festin. Justification de Champlain. Opinion de Ferland, de Garneau et de Fayon. Champlain partit de Québec le 18 juin, avec ses hommes bien armés et prêts à le suivre partout où il les conduirait. Remontant le Saint-Laurent, ils aperçurent sur le rivage, près de l'île de Saint-Éloi, 200 ou 300 sauvages qui s'y étaient cabanés. C'étaient des Hurons et des Algonquins qui descendaient à Québec pour rejoindre leurs alliés montagnais. Leur chef s'appelait Iroquois et Okatégouin. Champlain courut à eux, et leur exposa le but de son voyage, ce qui parut leur être agréable. Le lendemain, les deux chefs vinrent à bord de la chaloupe française et pétunèrent longtemps au milieu d'un profond silence. Tout à coup, l'un d'eux se leva et prononça une longue harangue devant ses compagnons qui pouvaient l'entendre du rivage où ils se trouvaient, leurs arcs à la main. Laissons la parole à Champlain qui reproduit la substance de ce discours, destiné dans l'esprit de l'orateur à convaincre les Français qu'ils étaient tenus en honneur de les aider dans leur guerre contre les Iroquois. Il y avait près de 10 lunes que le fils d'Iroquois m'avait vu et que je lui avais fait bonne réception et déclaré que le pont gravé et moi les irions les assister contre leurs ennemis avec lesquels ils avaient dès longtemps la guerre pour beaucoup de cruauté qu'ils avaient exercée contre leur nation sous prétexte d'amitié. Et qu'ayant toujours depuis désiré la vengeance, ils avaient sollicité tous les sauvages que je voyais sur le bord de la rivière de venir à nous pour faire alliance avec nous, et qu'ils n'avaient jamais vu de chrétiens, ce qui les avait tous émus de nous venir voir. Et que deux de leurs compagnons, j'en ferais tout ainsi que je voudrais. Et qu'ils n'avaient point d'enfants avec eux, mais gens qui savaient faire la guerre, et pleins de courage, sachant le pays et les rivières qui sont au pays des Iroquois. Et que maintenant ils me priaient de retourner en nos habitations pour voir nos maisons, et que 3 jours après, nous retournerions à la guerre tous ensemble. Et que pour signe de grande amitié et réjouissance, je fusse tiré des mousquets et arquebuses, et qu'ils seraient fort satisfaits. Champlain leur fit réponse qu'ils s'en retourneraient à Québec si cela leur faisait plaisir. Ils pouvaient juger par là qu'ils n'avaient jamais eu d'autre intention que d'aller faire la guerre avec eux, puisqu'il portait des armes et non des marchandises de traite. Du reste, sa parole était engagée, il la tiendrait. Ainsi se cimenta l'alliance contractée en 1603 entre les Français d'une part et les Hurons, les Algonquins et les Montagnais d'autre part, alliance qui ne devait jamais être rompue. Certains historiens ont reproché à Champlain son intervention dans les querelles entre les aborigènes du Canada. N'aurait-il pas été plus sage, disent-ils, de garder la plus stricte neutralité à l'égard de tous, plutôt que d'épouser les causes des uns et s'attirer ainsi, à coup sûr, l'inimitié et les représailles des autres, d'autant plus redoutables que ces derniers, les Iroquois, passaient pour être les plus braves dans les combats? Afin de mieux expliquer l'attitude de Champlain, il importe de se rendre bien compte de la position spéciale que les Français occupaient envers les sauvages depuis environ 6 ans. Des rapports de la plus franche amitié n'avaient pas cessé d'exister entre les agents de traite et les sauvages du Saguenay et des Trois-Rivières. Or, ces sauvages, les Hurons en plus, étaient en guerre depuis de longues années avec les Iroquois. Nicolas Perrault, dans son mémoire sur les mœurs, coutumes et religions des sauvages dans l'Amérique septentrionale, donne l'origine des guerres désastreuses et prolongées que firent les Iroquois contre les Algonquins avec les Hurons comme alliés. Les premiers avaient résidé autrefois à Montréal et aux Trois-Rivières. Leurs voisins, les Algonquins, étaient échelonnés le long de la rivière des Outaouais, sur les bords du lac Nipissing, et de la rivière des Français. Une année, il arriva qu'un parti d'Algonquins, peu adroit ou peu exercé à la chasse, y réussit mal. Les Iroquois qui les suivaient demandèrent la permission d'essayer s'ils seraient plus heureux. Cette complaisance, qu'on avait eue quelquefois, leur fut refusée. Une dureté s'y déplaçait des aigris. Ils partirent à la dérobée pendant la nuit et revinrent avec une chasse très abondante. La confusion des Algonquins fut extrême. Pour en effacer jusqu'au souvenir, ils attendirent que les chasseurs iroquois fussent endormis et leur cassèrent à tous la tête. Cet assassinat fit du bruit. La nation offensée demanda justice. Il lui fut refusé avec hauteur. On ne lui laissa pas même l'espérance de la plus légère satisfaction. Les Iroquois, outrés de ce mépris, jurèrent de périr ou de se venger. Mais, n'étant pas assez forts pour tenir tête à leur superbe offenseur, ils allèrent au loin s'essayer et s'aguerrir contre des nations moins redoutables. Quand ils eurent appris à venir en renard, à attaquer en lion, à fuir en oiseau, c'est leur langage, alors ils ne craignirent plus de se mesurer avec l'Algonquin. Ils firent la guerre à ce peuple avec une férocité proportionnée à leur ressentiment. Les Iroquois avaient d'abord été refoulés au sud, sur les rives du lac Érié, où, n'ayant pu résister aux Chouanons, ils furent forcés de se réfugier le long du lac Ontario, à peu de distance du lac Champlain. Là, ils étaient disposés en 5 cantons, formant une grande confédération. C'était 1. Les Tsonnontouan, que les Anglais appelaient Sénécas, 2. Les Goyaguins, ou Cayugas, 3. Les Onotagouais, ou Onondagas, 4. Les Oneyout, ou Oneidas, 5. Les Agni, ou Mohawks, des Anglais. Les Tsonnontouans étaient des plus nombreux, mais les Agni l'emportaient sur tous les autres par la férocité et la bravoure. Les 5 bourgades étaient cantonnées de telle sorte qu'ils pouvaient résister aux attaques, de quel côté qu'elles vinssent. Ayant eu à soutenir depuis longtemps la guerre contre leurs ennemis coalisés, qui comprenaient toute la population sauvage depuis le Saguenay jusqu'au lac Huron, il n'y a pas lieu de s'étonner que les Iroquois, de beaucoup inférieurs en nombre, usassent de quelques précautions pour se maintenir solides chez eux. Du reste, le pays qu'ils habitaient était très agréable, fertile et bien arrosé par des rivières et des lacs. Lors de son premier voyage à Tadoussac avec Pontgravé, en 1603, Champlain apprit des sauvages, réunis à la pointe Saint-Mathieu, qu'ils venaient de se battre en nombre de 1000 contre les Iroquois, près de l'embouchure de la rivière qui portait alors leur nom, et qu'ils en avaient tué 100 par surprise. Anadabijou, la Sagamore des Montagnais, fit à cette occasion un grand discours aux siens, leur disant, entre autres choses, qu'ils devaient être fiers d'avoir le roi de France pour ami et de pouvoir compter sur son concours dans leur guerre future. C'est à dater de cette fête mémorable que l'on commence à saisir l'intention véritable des sauvages représentée à cette entrevue avec les Français, qui semblait avoir été ménagée d'avance tant on y mit d'apparat. Écrasés des ennemis qui les tenaient constamment sur le qui-vive, tel était le rêve commun à tous. Mais se sentant impuissants à les réduire par leurs propres forces, ils avaient cru qu'avec l'appui des Français et leurs machines foudroyantes, ils en obtiendraient facilement raison. Champlain se trouva forcé en quelque sorte de leur promettre son appui, d'autant plus que les 3 détachements qui l'entouraient s'étaient jusque-là montrés amis des navigateurs et des pêcheurs de sa nation. Ceux-ci n'avaient pas eu de relations commerciales avec les Iroquois qui, du reste, ne faisaient pas de la traite une condition de leur existence. Conséquemment, les Français avaient plus d'intérêt à se tenir sur un pied d'amitié et à vivre en bons termes avec les Montagnais et les Etchemins qu'ils étaient certains de rencontrer en mettant le pied sur le sol du Canada. Quand Champlain parut, l'amitié entre les Français et les sauvages de Tadoussac, leurs alliés les Algonquins et les Hurons, régnait toujours, et qui sait si des promesses de secours mutuel n'avaient pas déjà été faites par Chauvin et Pontgravé. En tout cas, le fondateur de Québec ne pouvait faire mieux que de conserver l'harmonie avec les premiers aborigènes qui s'offraient à lui. Comme il prévoyait bien être obligé de vivre au milieu d'eux, le meilleur parti à prendre, dans le moment, était de leur donner l'espoir qu'il appuierait leur cause, qui était aussi celle de tous les sauvages restés jusque-là fidèles à ses compatriotes, lorsqu'ils n'avaient rien à attendre des Iroquois. Il nous a paru hors de propos de rapporter tous les témoignages qui pourraient détruire les préjugés que des historiens ont entassés autour de cette question, non pas dans le but de tenir la gloire de Champlain, car c'eût été une tâche trop antipatriotique, mais afin de rehausser le nom d'autres personnages d'ailleurs très méritants. Une conduite tout opposée à celle de notre héros aurait eu, d'après eux, des conséquences beaucoup moins désastreuses. Les faits et gestes de Champlain serviront de réponse à ces écrivains, plus soucieux d'assujettir l'histoire à des questions de clocher que de l'envisager à pleine face. Dans les jugements sur les hommes publics, il n'est pas juste de tenir à sa disposition deux poids et deux mesures, comme faire de Champlain un vulgaire soldat ou un simple marchand de fourrure et, par opposition, de Paul de Chomédé, un héros doué des qualités presque surhumaines. Disons donc, guidé par les faits historiques, que Champlain se trouvait en face d'une alliance conclue solennellement près de 6 années auparavant, lorsque les Algonquins, les Hurons et les Montagnais vinrent la lui rappeler au commencement de l'été de 1609 par la bouche du même Anada Bijou. « Il y aura bientôt 10 lunes, » dit le Sagamore Montagnais, « que toi et Dupont avez promis au fils d'Iroquois de nous assister contre nos ennemis. » C'était le moment, écrit M. Laverdière, ou de se concilier ces nombreuses et puissantes tribus, ou de se les aliéner peut-être pour toujours. Ce à quoi répond Champlain, il n'a point d'autre intention que d'accomplir ce qui vous a été promis. C'est ainsi que fut scellé ce pacte solennel, honnêtement et sans arrière-pensée de la part de Champlain. Mais, s'écrie Fayon, si Champlain, au lieu de se déclarer pour les Algonquins contre les Iroquois, eût embrassé la neutralité à l'égard des uns et des autres, et se fût montré l'ami de tous, comme le pratiquaient alors certaines nations sauvages, il eût fait bien plus d'honneur au nom français. Il eût trouvé un libre accès chez tous pour ses découvertes et frayé des voies aux missionnaires dans tous ces pays, en y faisant admirer et aimer la douceur et la charité de l'Évangile, qui était encore inconnu. Tandis que, par les cruautés exercées dans ces guerres, il rendit odieux aux Iroquois et la France et la religion catholique tout ensemble. Nous avons déjà établi que Champlain ne pouvait pas, en honneur, rompre l'engagement qu'il avait contracté en 1603 vis-à-vis des sauvages Montagnais, Etchemins et Algonquins rassemblés sur une des pointes de la rade tadoussacienne. Qu'eût-il gagné par une conduite contraire? À se faire très certainement des ennemis de ces nations puissantes qu'il devait avoir pour voisins et qui eussent été plus en état, à cause de leur proximité, de ruiner les premiers établissements français que les hordes iroquoises reléguées à une bonne distance du Saint-Laurent. Jamais il n'eût pu résister aux hostilités incessantes de ces indigènes, moins cruels à la vérité que leurs ennemis des 5 cantons, mais barbares tout de même. Leur union, sous un même chef, contre les Français, eût causé tôt ou tard la perte de la colonie. D'ailleurs, Champlain pouvait-il espérer se faire des Iroquois autant d'amis s'ils gardaient la plus stricte neutralité dans leur guerre avec les autres sauvages du Canada? Nous ne le croyons pas, car ces nations étaient à cette époque la terreur de l'Amérique. Écoutons Garneau à leur sujet. Quand, dans la suite, les Agnés prennent des armes contre les tribus de la Nouvelle-Angleterre, le terrible cri d'alarme courait de colline en colline. « Les Iroquois! Les Iroquois! » Et, saisis d'épouvante, hommes, femmes et enfants prenaient la fuite comme un troupeau timide poursuivi par des loups. Les Iroquois, par politique, mettaient un soin extrême à entretenir cette terreur et cherchaient toutes les occasions de persuader qu'ils étaient invincibles. Dès le premier hiver à Québec, Champlain eut des exemples souvent répétés de la frayeur des sauvages qui vivaient proches de l'habitation quand il était question des Iroquois. 30 ans après, nous constatons que les Hurons réfugiés autour de Québec étaient dans des transes continuelles, croyant à tout instant que leurs anciens ennemis allaient fondre sur eux. Les guerres entre les sauvages alliés des Français et les 5 cantons furent marquées par des trêves. Champlain réussit, en 1624, à les pacifier, et il conclut même avec eux un traité de paix, mais sans autre résultat qu'un désarmement temporaire. La guerre, pour ces hordes assoiffées de sang et de carnage, semblait une condition de leur existence, et bien habile eût été Champlain s'il eût réussi à se les concilier. Nous croyons, au contraire, qu'il n'y serait jamais parvenu, même avec toutes les ressources de son génie et de sa diplomatie. Mais, ajoute M. Ferland, il semble aujourd'hui que la dignité et les intérêts de la France qui aurait beaucoup gagné si le fondateur de Québec eût agi comme le firent les Hollandais et fût resté neutre au milieu des dissensions des tribus aborigènes. Fayon abonde dans le même sens. Les Hollandais restèrent neutres, il est vrai, mais ils usèrent d'un procédé assez singulier vis-à-vis de nos ancêtres qui pourtant valaient bien les Iroquois. Pendant qu'ils bâtissaient des forts à Orange et à Colmar, ils fournissaient à leurs amis, les Agnés, des armes et des munitions dont ceux-ci se servaient ensuite pour détruire les établissements du Saint-Laurent. Dans le même temps, Champlain évitait soigneusement de mettre entre les mains de ses alliés les fusils qu'ils lui demandaient. Mais n'appuyons pas davantage sur cet exemple que Ferland a sans doute évoqué pour de bons motifs, car il ajoute aussitôt « Il serait cependant injuste de taxer Champlain de précipitation et d'imprudence, car nous sommes trop éloignés de son temps et trop peu au fait des circonstances dans lesquelles il se trouvait pour juger sûrement de l'opportunité de sa démarche. Plusieurs considérations importantes ont dû l'engager dans cette expédition. Il voulait se concilier ses voisins immédiats, qui auraient été des ennemis très redoutables. Ne connaissant ni la puissance ni l'énergie de la nation iroquoise, il espérait l'assujettir et la forcer à vivre en paix avec les autres peuples du pays. Il ne pouvait prévoir qu'avant peu, ses projets de pacification par la guerre seraient rompus et que, si la supériorité des armes européennes donnait alors l'avantage aux Français, qui seuls en étaient pourvus, d'autres Européens, à une époque assez rapprochée, en fourniraient aux cinq nations et qu'alors la lutte deviendrait inégale. Garneau ne pense guère différemment de l'abbé Ferland. Ignorant la force et le caractère de cette confédération iroquoise, et plus intéressé d'ailleurs à se maintenir en bonne intelligence avec les indigènes qui étaient près de lui, Champlain, dit-il, accepta peut-être trop précipitamment l'offre d'une union dont l'effet fut de doter la colonie d'une guerre qui dura près d'un siècle. Il pensait qu'en ayant pour alliés les tribus du pays, il pourrait subjuguer facilement non seulement cette confédération, mais encore toutes les peuplades qui voudraient entraver ses projets par la suite. Il ne savait pas que d'autres Européens, rivaux de la France, étaient déjà établis à côté des Iroquois et tout prêts à les soutenir dans leurs prétentions. Comme question de fait, Champlain, tout bien doué qu'il fût sous le rapport de la perspicacité, ne pouvait pas prévoir, dès 1803, que les Hollandais et les Anglais, les Suédois et les Danois, viendraient s'implanter successivement sur le territoire américain et que les Français seraient obligés d'entrer en lutte avec les Anglais. En 1608, la colonisation, dans les contrées qu'arrosent l'Hudson et le Delaware, n'existait pas encore. Champlain lui-même était-il bien sûr de réussir à fonder une colonie durable dans la Nouvelle-France? Manquant des ressources les plus indispensables, il n'eut pas même la consolation de pouvoir compter, au début de sa fondation, sur une poignée de colons. Son unique appui reposait sur quelques ouvriers ou artisans sans famille, à la solde d'un armateur aux trois quarts ruinés. Cependant, il se trouvait dans l'obligation ou de servir les intérêts de cet homme ou d'abandonner ses projets de colonisation. Seul à travailler dans ce sens, quelle pouvait être sa force contre tant d'éléments hostiles, prêts à surgir pour détruire une œuvre qu'il redoutait? Les Anglais et les Hollandais arrivaient puissants et nombreux. Le fait est que, dès le moment où ils mirent le pied sur le territoire américain, ils en imposèrent aussitôt aux sauvages, même aux Iroquois. Ni visant, ni par eux-mêmes, ni par leurs missionnaires, à faire des prosélytes religieux au sein des tribus infidèles, ils ne traitaient avec elles qu'au point de vue des intérêts purement humains. Donc, aucune source de difficulté sous ce chef. Civiliser ces barbares en les christianisant n'entrait pas dans le programme de leur fondateur, au moins comme un des principaux articles. À quoi bon? Ne valait-il pas mieux flatter leur mauvaise passion, exciter leur soif de vengeance contre des sauvages reconnus comme des ennemis invétérés? Dût-il en résulter la destruction de ces Français dont ils voyaient étendre l'Empire sur le Saint-Laurent avec jalousie et mécontentement? La suite de ce récit nous fera voir par quel procédé les Kirk, au service de l'Angleterre, et Argyle, tentèrent de faire disparaître le nom français du sol de l'Acadie et de la Nouvelle-France. Mais n'anticipons pas sur ces événements douloureux et poursuivons avec Champlain sa campagne vers le pays des Iroquois. Les Éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 11 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne.